بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الحافظ النووي رحمه الله تعالى باب استحباب صوم ستة أيام من شوال الحافظ النووي nous dit le chapitre concernant la recommandation de jeûner 6 jours de Shawwal. Et ensuite, il nous cite un hadith, un seul hadith, dans ce chapitre. Le hadith très connu, « An Abi Ayyubin radiyallahu anhu » Il y a une faute ici. « An Abi Ayyubin radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam akol « Man soma ramadana thumma atba'ahu sittan min Shawwal » Barakallahu fik. كَانَ كَسِيَامِ الدَّهْرِ رَوَاهُ مُسْلِمُونَ Et donc il nous dit, Rahimahullah, selon Abi Ayyub, radiyallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui jeûne Ramadan, puis qui fait suivre cela de 6 jours de Shawwal, donc 6 jours du mois de Shawwal, est comme le fait de jeûner tout le temps, comme le fait de jeûner toute l'année. قد درسنا هذا الحديث في هذا المسجد أكثر من مرة. Certes, on a étudié ce hadith dans cette mosquée plusieurs fois. ورأينا أن الحسنة بعشر أمثالها. On a vu que la récompense est multipliée par 10. فمن صام رمضان له من الفضل أي له من فضل 30 يوما بعشر أمثالها أي 300. On a dit que celui qui jeûne Ramadan, il a les mérites de celui qui a jeûné 30 jours, multipliés par 10, et donc 300 jours. Et on rajoute à cela les 6 jours de Shawwal, ثم بعد ذلك 6 من شوال, فيصل العدد مع العشرة إلى 360. Et donc ensuite, on rajoute les 6 jours de Shawwal, multipliés par 10, et donc le nombre total arrive à 360 jours, c'est-à-dire l'année, entière. Fait, هذا الحديث أيها الإخوة دليل على رحمة الله تبارك وتعالى. Ce hadith montre la miséricorde d'Allah تبارك وتعالى. Tu jeûnes 30 jours plus 6, c'est comme si tu as jeûné toute l'année. C'est comme si tu as jeûné toute l'année. وأيضا مما ذكرناه سابقا أن من فاته بعض الأيام من رمضان لا يبتدئ بصيام ستة أيام من شوال. Celui donc qui a raté certains jours de Ramadan, il ne commence pas par le fait de jeûner 6 jours de شوال. إنما يقضي أولا ما فاته. Cependant, il rattrape avant cela, il rattrape les jours manquants. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, man soma ramadan, celui qui jeûne ramadan. Fa man soma juz'an minhu lam yasumhu. Et donc celui qui a jeûné une partie de ramadan, il ne l'a pas jeûné ce mois. Il doit donc rattraper les jours manquants avant de commencer les 6 jours de Shawwal. Fatanabbahu barakallahu fikum. فكما قلنا أيها الإخوة أكثر من مرة هذا الحديث متعلق بأمر عظيم. Ce hadith il est lié, ce hadith est lié à un sujet très important. وهو أن هذه الشريعة ميسورة. Cette législation nous est facilitée. وأن الله تبارك وتعالى سهل لنا الأمور. Allah nous a tout facilité تبارك وتعالى. فَلَا عُذْرَ لِمَنْ فَرَّطَ بَعْدَ ذَلِكَ. Il n'y a pas d'excuse pour celui qui a été négligent. لَا عُذْرَ لِمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ. Il n'y a pas d'excuse pour celui dont sa balance est légère. يَوْم الْقِيَامَ. Tu jeûnes 30 jours plus 6, c'est comme si tu as jeûné toute l'année. لَا عُذْرَ لِمَنْ فَرَّطْ. Pas d'excuse pour celui qui a été négligent. Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite et nous a énormément facilité Et comme je l'ai souvent dit cette année, le Ramadan, c'est une éducation, un enseignement. On doit méditer sur cela. أيها الإخوة كان الصيام في أول أمره شاقا جدا. Au cher frère, le jeûne au début, il était très très difficile. Il était très difficile le jeûne au début. فيسره الله تبارك وتعالى لنا. Et donc Allah تبارك وتعالى nous a facilité le jeûne. ومع ذلك تجد بعض الناس لا يصومونه. Et malgré cela, tu trouves certaines personnes qui ne jeûnent pas. Certaines personnes qui ne jeûnent pas. Une des questions qui m'a été envoyée, un homme en bonne santé ne jeûne pas. Il n'a aucun problème de santé, il veut jeûner, mais il n'y arrive pas. À chaque fois qu'il essaie, en milieu de journée, il mange quelque chose. Il n'arrive pas. Subhanallah. Après toute la facilité qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a accordée, on demande encore, on demande encore, on demande encore. Et c'est quand est-ce que nous, on fait des efforts sur nous-mêmes. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « Uhilla lakum laylata siyami rafathu ila nisaikum » Il vous a été autorisé, durant les nuits du jeûne, d'avoir des rapports avec vos épouses. « Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun » Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. C'est-à-dire, ce n'est pas du tissu, hein, attention. Elles sont un vêtement pour vous, vous êtes un vêtement pour elles. C'est-à-dire, c'est elle qui connaît ton intimité, c'est toi qui connais la sienne. Et elle te soutient, tu la soutiens. Tu l'assistes, elle t'assiste. Elle a un vêtement pour elle, pour toi et tu as un vêtement pour elle. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. Allah sait pertinemment que certains d'entre vous avaient des rapports avec leurs épouses. Parce qu'au début, le jeûne, c'était pas permis d'avoir des rapports. Après l'Isha, plus rien. Et certains, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas pu résister, ils ont eu des rapports avec leurs épouses, parmi eux Omar radiallahu anh. Ils ont eu des rapports avec leurs épouses pendant la nuit de Ramadan. C'était difficile. Allah tabaraka wa ta'ala leur a alors pardonné. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. Alors maintenant, vous pouvez avoir des rapports avec elles. Et recherchez donc ce que Allah tabaraka wa ta'ala vous a légiféré. Wa kulu wa shrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Et mangez et buvez jusqu'à ce qu'apparaisse clairement pour vous la distinction entre le câble noir et le câble blanc du fajr. C'est-à-dire, mangez et buvez jusqu'à ce qu'apparaisse clairement les signes du fajr. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala nous a facilité. Ibn Kathir rahimahullah dans son tafsir, il dit هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة. Et donc il dit, Ibn Kathir rahimahullah, il dit ceci, ce verset qu'on a cité, c'est une permission d'Allah tabaraka wa ta'ala pour les musulmans. Et le fait d'enlever une difficulté qu'il y avait au début de l'islam. Car certes, lorsque l'un d'entre eux, donc l'un des croyants, rompait son jeûne, il lui était permis de manger, de boire et d'avoir des rapports avec son épouse jusqu'au Isha. Ou alors jusqu'au moment où il dort. S'il dormait donc avant l'Isha, ou alors il priait l'Isha, après cela, il lui était interdit de manger, de boire et d'avoir des rapports jusqu'à la nuit prochaine. Jusqu'à la nuit prochaine. Le Maghrib, il arrive. Le Maghrib, il arrive. T'as le temps de rompre ton jeûne. Ensuite, après cela, si t'as trop mangé et que tu dors, comme beaucoup y font, c'est fini. Rendez-vous, Maghrib de la semaine prochaine. Le Maghrib du lendemain. Pas la semaine prochaine non plus. Donc, rendez-vous au Maghrib du lendemain. Et donc, c'était pas facile. C'était pas facile du tout pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقد ذكر العلماء من سبب تنزيل هذه الآية ما أخرجه البخاري رحمه الله عن البراء قال وإن قيس ابن سرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام؟ قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك. Et les savants, ils ont cité parmi les causes de la révélation de ce verset le hadith qu'a cité Al-Bukhari rahimahullah dans son sahih selon Al-Bara qui nous dit que Qais ibn Sirmah ou Sarimah al-Ansari, il était jeûneur. Et lorsqu'est venu le moment de rompre le jeûne, il est allé voir sa femme et lui a dit « Est-ce que tu as de la nourriture ?» Est-ce que tu as de la nourriture ? Regardez la situation de ces gens-là. Ils étaient pauvres. Est-ce que tu as de la nourriture ? Elle lui dit non. Mais je pars et je vais demander pour toi. Il n'y a pas de nourriture à la maison. Ce n'est pas comme à notre époque. Si tu veux te marier, il faut que tu aies un bâtiment, il faut que tu aies ci, ça, ça, ça, ça. Hein ? Quand tu regardes le hal des sahaba et le mariage qu'ils avaient, ça n'a rien à voir avec notre époque. Ce n'était pas l'argent le premier point à regarder. Regardez cette situation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui demande à ses épouses « Hal indakum min ta'am ?» Est-ce que vous avez... Est-ce qu'il y a de la nourriture ? Là, non, il n'y a pas. « Idhan inni sa'im » Et donc aujourd'hui, je jeûne. Pauvre. Et aujourd'hui, les gens, ils ont peur de la pauvreté. Regardez comment Allah tabaraka wa ta'ala a élevé ces gens. Comment Allah les a élevés alors qu'ils étaient pauvres. Mais aujourd'hui, nous, comme on est rabaissé, alors qu'on court après l'argent tous les jours. Tous les jours, on court après l'argent, humiliation sur humiliation. Quand est-ce qu'on va comprendre ? Et donc, elle lui dit, je vais chercher pour toi. Alors, elle est partie. « Wa kana yawmahu ya'malu faralabathu 'aynahu » Et durant son jour, durant la journée, ce compagnon, il travaillait beaucoup, il travaillait. Alors pendant que sa femme elle est partie lui chercher à manger, il s'est endormi. Après, l'iftar, après le moment de rompre, après le maghrib, il s'est endormi. Il n'a pas mangé, il n'a rien fait, il s'est endormi pendant qu'elle lui cherchait à manger. Lorsqu'elle est revenue, elle l'a vu endormi, alors elle a dit « Khaybatan lek ». Khaybatan lek, khayba, malheur à toi. Ah, ça va être difficile pour toi. فَلَمَّا تَصَفَ النَّهَارِ رُوشِيَ عَلَيْهِ Le lendemain, lorsqu'il est arrivé à la moitié de la journée, il s'est évanoui. Il s'est évanoui. فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ Et donc, après cette évanouie, donc il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cela, et ensuite ce verset a été révélé. La permission de manger et de boire et d'avoir des rapports toute la nuit jusqu'à l'aube. Allah tabaraka wa ta'ala qui a facilité la situation aux croyants. Wa ja'a kadhalika fil Bukhari an al Bara'i aidan annahum lamma nazala sawm Ramadan la yaqrabuna an-nisa Ramadan kullahu. Ne me regardez pas comme ça. Et donc, il a été cité dans le Bukhari, selon le Bara, qui dit « Lorsque Ramadan, lorsque les versets montrant l'obligation de Ramadan ont été révélés, ils ne s'approchaient pas de leurs épouses pendant tout Ramadan. » pendant la journée, il jeûne. Le soir, entre Maghrib et Isha, il n'y avait pas le temps. Ils ne s'approchaient pas de leurs épouses pendant tout Ramadan. Les savants, ils nous disent, Allah tabaraka wa ta'ala, il a cité que l'homme est un vêtement pour la femme est un vêtement pour lui. Le grand besoin qu'il y a entre les deux, et c'est pour cela qu'il a été permis à l'homme et à la femme donc d'avoir des rapports pendant ces nuits de Ramadan, parce que sinon c'est trop difficile pour eux. Et donc, il nous dit, وَكَانَ رِجَالٌ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ. Il y a des hommes qui avaient des rapports avec leurs épouses, après l'Isha. Ils avaient des rapports, quand même malgré cela, malgré l'interdiction, ils avaient des rapports avec leurs épouses. Plusieurs des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'était difficile. Alors Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre sa parole. Ce verset montrant qu'ils pouvaient donc ensuite avoir des rapports avec leurs épouses après l'Isha. فَتَأَمَّلُوا أَيُّهَا الْإِخْوَةِ الرَّجُلْ يَسُومُ مِنَ الْإِشَىٰ إِلَى الْمَغْرِبِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِ. Méditez, ô chers frères, l'homme, il jeûne du Isha jusqu'au Maghrib du jour d'après. وَإِنْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَهُوَ نَائِمْ فَهُوَ صَائِمْ إِلَى الْمَغْرِبِ Et si le moment du Maghreb il arrive et que cet homme il est endormi, alors c'est rendez-vous au prochain Maghreb le lendemain. C'était difficile, c'était pas facile. Voilà, j'allais le rajouter. Avec la chaleur qu'il y avait, hein, c'était pas comme maintenant, t'as les moukayef dans la mosquée, mashallah, tu viens à la mosquée en voiture. Eux, c'était pas comme ça, eux. Ils avaient la difficulté, déjà le temps du jeûne il était long, en plus de cela, la chaleur, etc. La situation était difficile. Vous imaginez si Allah tabaraka wa ta'ala avait laissé la situation comme telle? Comment on aurait fait aujourd'hui? Et donc, remercier Allah tabaraka wa ta'ala pour ce très grand bienfait qu'il nous a accordé à tous, pour cette facilité. Allah elle nous a facilité énormément de choses. Et le hadith qu'on a vu aujourd'hui, le fait que tu jeûnes 30 jours plus 6, c'est comme si tu as jeûné toute l'année, c'est une facilité venant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala t'a facilité le siyam, le jeûne comme on l'a vu, et t'a aussi facilité le qiyam, la prière. Man salla ma'a imamihi hatta yansarif. Celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce que celui-ci finisse, alors il lui est écrit la récompense de celui qui a prié toute la nuit. Subhanallah. Il y a les frères, méditez. Taïb, le tarawih, dans certaines mosquées c'est une heure, dans d'autres une demi-heure. Certains savants ils disent qu'ils ont déjà vu des tarawih une demi-heure. Malgré ça, toi tu viens en tant que prieur, subhanallah, tu as la récompense d'avoir prié toute la nuit. Est-ce qu'on a des excuses après ça? Est-ce qu'après ça, tu peux avoir des excuses d'avoir une balance légère yawm al-qiyama, au jour de la résurrection? Comment Allah tabaraka wa ta'ala nous a facilité toutes choses? Voilà qui est l'ishkal, le problème, oh chers frères, c'est nous. On veut dukhul fil jannah bi ghayri amal. On veut rentrer au paradis sans œuvrer, sans rien faire. Comme ça, les mains sur la tête, les pieds levés, posés sur le repose-pied. Hein? On ne fait rien du tout. On attend que la journée se termine. Et il y en a qui sont sur la PlayStation toute la journée. Inch'Allah al-jannah, Inch'Allah al-jannah, on attend. Et donc il est important que tu agisses, Yahri. Allah, il t'a facilité. Saisis cette occasion, ne la laisse pas passer. On rentre dans les 10 dernières nuits. Ne lâche pas l'affaire. Non, continue. Une nuit est égale à 1000 mois. Mieux que 1000 mois. Et malgré ça, on laisse cette nuit passer. On arrive à dormir pendant cette nuit. Non, les frères, c'est pas le moment. Là, donnez tout, les frères. Donnez tout ce que vous avez, toute l'énergie que tu as. Je vous ai dit et je vous le redis, ceux qui veulent prendre des congés, c'est le moment. Prenez vos congés et donnez tout ce que vous avez pendant les dernières nuits qu'il vous reste afin de profiter de ces bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous a accordés. Et ensuite, après cela, vous avez les 6 jours de Shawwal. Continuez. Et c'est comme si tu as jeûné toute l'année. Toute l'année. Voilà les facilités. Il y en a encore d'autres. Mais je ne veux pas faire trop long. Il y a énormément de facilités qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a accordées durant ce mois de Ramadan. Alors profitez. Saisissez-les. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.